Les masses médias de divers pays ont rapporté du 1er au 5 janvier la partie de la réunification de la patrie du message de nouvel an censé se déjeter 2017 du respecté dirigeant suprême Kim Jong-un sous divers titres comme « Le dirigeant Kim Jong-un souligne d'ouvrir une grande voie de la réunification indépendante ». Ce sont la radio Sputnik, le journal argumenté Ifakti, la revue d'internet Rimchichi et le journal d'internet Yeznaya Korea de Russie, la télévision centrale et le journal de Hong Kong Minbao de Chine, la radio nationale et les radios Apsara et FM 90,5 du Cambodge, l'agence de presse Sana et les journaux Al-Bas, Tishrin et Al-Watan de Syrie, l'agence de presse laotienne, les journaux égyptiens Al-Misri Al-Yaoum, Al-Pazr et Al-Ahbar Al-Masai, le journal Horoya et les radios nationales internationales et en 7 langues nationales de Guinée, les journaux algériens Al-Hiwaru et Saout Al-Avraru, l'agence de presse et le journal Gulf Times du Qatar, le journal Le Soleil et la radio internationale du Sénégal, le journal d'internet australien News Comos et les journaux français Le Monde et Le Figaro.